bouche à peine ouverte vient le vent, et dans l'ombre de la lande court souvent. Souffle les herbes de rage, noir, moi, soir d'orage, et j'attends que la nuit fonde pierre.